Ça en prend pas de tunnel, hein? Ah. 2 ans encore avant d'avoir l'étude sur le troisième lien. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde en parle. Avez-vous remarqué la progression sur le troisième lien puis le tunnel? Là, je veux pas me vanter, mais moi, là, ça fait 3-4 ans, je parle de ça tout seul. Personne d'autre, même les péquistes riaient de moi. La phrase de Sylvain Godreau, hein, Sylvain était le seul qui en parle. T'es le seul à Québec. Il avait un peu raison. Chambre de commerce de Lévis, maire de Lévis, campagne électorale à Lévis, tous les candidats en parlent. Les médias commencent à en parler. Le Soleil, Journal de Québec, en parle. On a avancé. Je veux juste dire ça aux gens qui avancent pas là, sur la 73 ou ailleurs. Là. Vous êtes pas mal bloqués. On avance. Je sais qu'il va falloir patienter, mais il y a un petit peu d'espoir. Faut pas lâcher. Et si vous y croyez pas, ben sachez qu'il fut un temps où j'étais le seul à parler du Colisée à Québec. Tout seul. Marc Simoneau me traitait de fou. Puis finalement, on l'a rallié à la cause, lui et bien d'autres. Aujourd'hui, bon, tout le monde en parle. C'est que, alors, faut juste patienter avec le troisième lien. Faut pas lâcher. C'est des combats de... Mais garde, le Colisée, les gens y croyaient pas, on l'a d'en face, qui dit que dans 10 ans, on n'aura pas un tunnel entre Lévis et Québec. On verra bien. Donc, entre-temps,